Quand je parle tais-toi, c'est le geste normal. Y'a des aigles, des pigeons, je suis putain de corbac. L'alcool mauvais, bonhomme insortable. J'étais pas invité, j'ai cassé le portail. Fuck cette bitch, c'est qu'une nuit pas de feeling. J'ai croisé ton père avec moi, il est timide. Check tes potes, ils connaissent tous Billy. Billy, merde, c'est toujours pas fini. Les refs dans la chop, je suis invincible. Va niquer ta mère, si j'insiste. Personne t'écoute quand tu parles, mon ref. C'est peut-être un message, c'est peut-être un signe. Aboyez bien fort, mais ne tentez rien. Racheter à sa mère comme le 31. Père de doc chaque jour sur mon 31. Sans problème, j't'efface sur le grand terrain. La dernière fois qu'on a voulu me faire, il a sorti un truc, il est reparti en Falsa, big man dans la vie, pas de hasard. Faut le mériter pour porter le brassard. J'ai perdu trop de temps avec trop de gens, c'est des putains de fake ass. Elle ose pas demander une photo, c'était voulu, je sais très bien ce que je dégage. Aujourd'hui je fais ce que je veux faire, je suis pas peu fier, frère, tu peux le faire aussi. Quand je suis de bonne humeur, j'ai l'air hostile. Plus de la moitié de ma vie, les mêmes broskis. Gauche, droite, gauche, l'approche, la cogne sale. Sensation de froid dans l'épine dorsale. Pilote la BM comme si c'était Forza. C'est pas bon pour moi, mais merde, j'adore ça. Django, il est comment dans la vraie vie, très loin de toi et tes questions de merde. Boy, le succès, c'est une sacrée joie, ça peut très vite te faire la raison perdre. Tes rappeurs ils écrivent peut-être, mais j'écoute une fois, je m'en rappelle de tête. Et sur YouTube ils ont l'air trop balèzes, je les ai croisés, je leur mets tous de tête. No cap, 5 étoiles sur Paname, la gadget de l'accueil ne veut pas s'en remettre. Pas de pills, pas de coke, pas de sky, pas de smoke, mais je fuck tous les jours, à chacun son remède. J'ai tout pourtant, ZF tout le temps, plein de malas, ils sont raides. Fuck, j'suis dead, même les condés m'écoutent en scred. Je me souviens de moi à 18 piges, sur le périph' rabat sur un runner. On me dit qu'aujourd'hui je suis pas facile, mais à l'époque jamais je te donne l'heure. Vase plein l'eau cool, j'aime pas beaucoup, je pourrais froisser même sans Goku. Trop de bitch autour, trop de vautours, je fais pas de câlins, je dis pas de mots doux. Gros, y'a pas de si j'avais su, fallait savoir passer sous. J'en ai un, deux, trois ou quatre qui comptent sur moi et je peux compter dessus. Gros, y'a pas de si j'avais su, fallait savoir passer sous. J'en ai un, deux, trois ou quatre qui comptent sur moi et je peux compter dessus. Ma gueule pour nous, y'avait pas de soirée, tout le week-end chez le zien sur Kino der Totem. Rue de Montreuil, gros, c'était la bohème. Fais-moi une crasse, pute, j'en fais un poème. J'suis dans le stud avec Big Man, vas-y, m'a vu grandir. Il connaît bien le gringo. Aide sur moi, j'te connais pas, Igo. Mal vu partout parce qu'on est pas rigot.